ne joue pas le mauvais rôle, le vice. Et le haram. De mes droits à ta mort ou mes motos, les gens te gonflent comme un héros. Tu montes d'étape et de niveau. Reste de guerre car tu pourrais tomber de haut. Garde la tête sur tes épaules, ne joue pas le mauvais rôle, le vice. Et le haram. De mes droits à ta mort ou mes motos, les gens te gonflent comme un héros. Tu montes d'étape et de niveau. Reste de guerre car tu pourrais tomber de haut. Je suis le seul négro, le seul mytho, le seul Rocco, mais pas le seul Cosbo. Le seul avec un micro, le seul avec l'écro, le seul qui a goûté vraiment au popo. Le seul qui veut s'en sortir comme Joe Popo. Le seul qui quitte la maîtresse pas en bas du dodo. Le seul qui est fier de lui et de ses négros. Le seul qui fera un jour confiance à un bico. Le seul qui va parler de lui et de son tchèque-son. Le seul qui, le seul qui, le seul qui t'y fait par test. À la guerre numéro uno dans les duels. Le seul qui touche avec une droite qui font mal comme les patates à Tyson. Le seul qui va mettre un strike sur la France et les mettre en transe. QG un 7-9, pas de balance. Le seul qui lance une casse dédiée à ses Kaira. Toujours là quand y'a Dra, les nobles pirates, les keufs, les Vatsa. Et puis basta. Garde la tête sur tes épaules, ne joue pas le mauvais rôle, le vice. Et le haram. De mes droits à ta mort ou mes motos, les gens te gonflent comme un héros. Tu montes d'étape et de niveau. Reste de guerre car tu pourrais tomber de haut. Garde la tête sur tes épaules, ne joue pas le mauvais rôle, le vice. Et le haram. De mes droits à ta mort ou mes motos, les gens te gonflent comme un héros.